comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 15e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête pour moi. Mais je ne suis pas le seul. C'est aussi un jour de fête pour plusieurs étudiants qui viennent tout juste de terminer leurs examens de fin de session. Pour celles et ceux qui ont encore des examens à l'horaire, ce n'est pas pour être un divulgateur de ce qui va se passer au cours de l'émission et du ton de la journée, mais aujourd'hui, on fête la fin de la session. Et même pour certaines personnes comme Jeanne, on fête la soutenance de thèse réussie. Alors, s'il vous reste des examens et que vous préférez attendre la fin de vos examens avant de fêter, vous pouvez toujours nous attraper en rediffusion tous les mardis à 10h AM sur les ondes de C'est fou. Mais vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes sur Internet Archive, dont le lien se trouve sur la page de l'émission à c'estfou.ca. La fin des examens, c'est l'esprit de la fête. Et pour cette raison, le thème de la journée, c'est donc l'accomplissement, la fin de la session avec ses hauts et ses bas. On souligne la victoire aujourd'hui. On souligne les belles histoires du passé et on le fait pour celles et ceux qui ont réussi à passer à travers. Ensemble, on fête les souvenirs que nous avons et on tourne la page sur hier pour préparer le terrain sur les sentiers d'espoir à venir. Alors, pour souligner la fin de cette session, qui était très chargée de mon côté, j'ai décidé de faire un petit exercice de présentation d'un nouveau genre. Alors qu'on aura non seulement trois pièces musicales, comme à chaque semaine, mais aussi trois poèmes qui vont s'ajouter pour venir rythmer un peu le sens de la fête. Tous les poèmes que je vais lire aujourd'hui sont tirés d'un ouvrage intitulé « 300 poèmes des Tang ». Tang Shi Sanpai Shou, traduit par Hu Pingqing, un livre qui a été publié aux presses de l'Université de Pékin en 2006. Concernant la langue de la traduction, j'ai par contre arrondi certaines formulations pour ajuster la langue française et l'adapter un peu plus à celle qui nous coule dans les veines de par chez nous. Mais j'ai tout de même gardé l'essentiel de la traduction de Hu Pingqing pour conserver un peu de la distance avec la langue, ce qui permet d'offrir un vertige qui nous rapproche un peu plus des auteurs cités. Une petite remarque aussi sur le titre avant de commencer, Tang Shi Sanpai Shou, il n'y a aucune originalité dans ce titre. C'est le titre le plus commun pour les ouvrages qui présentent la poésie à l'époque de la dynastie Tang. On retrouve des livres pour enfants qui s'intitulent « 300 poèmes des Tang » et on retrouve toute une série d'ouvrages qui ont ce titre. Et ça ne date pas d'hier. Parmi les plus vieilles anthologies de la poésie des Tang, on note l'ouvrage de Sun Zhu, publié en 1763, intitulé justement « 300 poèmes des Tang ». Le choix du titre visait à souligner l'ampleur de la poésie Tang, tout en imitant cependant la forme du classique de la poésie, le « Shi Qing », qui contenait lui-même 305 poèmes. L'expression « 300 poèmes », c'est une expression qui remonte donc jusqu'aux origines des commentaires sur les premiers classiques. Et on le voit par exemple avec Confucius lui-même qui disait, au chapitre 2 de ses entretiens, « Le livre des Odes compte 300 poèmes, mais l'essentiel se ramène à trois mots, sans jamais dévier. » 300 poèmes a donc une signification historique très large, mais c'est aussi le titre le plus répandu pour les ouvrages qui présentent des poèmes de la dynastie Tang. Et comme nous venons tout juste de terminer la période de cette dynastie et que nous venons à peine de débuter la dynastie Song, il m'apparaît tout à fait approprié de présenter quelques œuvres poétiques tirées du répertoire des Tang. Je disais donc, au tout début de cette rencontre qu'aujourd'hui, on fête la fin de la session. Non seulement parce que j'ai terminé mes enseignements de la session, mais surtout parce que les étudiants viennent de terminer leur examen. C'est donc ce thème qui a guidé mon choix vers le premier poème de la journée, dont le titre est tout simplement « Après l'examen réussi ». Un poème écrit par Meng Qiao au tournant du 9e siècle. Comme le poème n'est pas trop long, je vais d'abord vous faire une lecture dans la langue originale, déformée par mon accent québécois, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vous donner un aperçu de la musicalité du poème, le rythme, puis je vous lirai ensuite la traduction française proposée par Hu Pingqing. Alors, ça va comme suit. Tong Ke Ho, poème écrit par Meng Qiao. Si zhi wo chou pu zu kwa, jin chao fang dang si wu ya, chun feng de yi ma ji ji, yi zhi gan jin chang an hua. Et dans la traduction française, ça nous donne « Après l'examen réussi », poème de Meng Qiao. Je ne parle plus de mes frustrations passées. Aujourd'hui, l'examen réussi, je me sens libre de corps et d'esprit. Même mon cheval court plus vite sous le vent printanier. J'ai regardé toutes les fleurs de Chang'an en une seule journée. La musicalité est différente lorsqu'on le lit en français, mais on comprend au moins que l'étudiant était content d'avoir fini son examen et qu'il avait hâte de rentrer à la maison. Et de ce premier poème, on laisse l'actualité là où elle se trouve pour aujourd'hui, et nous allons tout de suite nous tourner en musique avec une pièce musicale qui nous présente un concept très important, surtout quand on étudie l'histoire. On le sait, la réminiscence, les souvenirs, les choses dont on est capable de se remémorer font partie de ce qui nous aide à construire une conscience historique. Et c'est un peu cette prise de conscience que nous offre le titre de la prochaine chanson. La chanson s'intitule « Ho Lai », ce qui signifie littéralement « ce qui vient après ». Mais c'est surtout une manière de voir les choses avec du recul. Avec du recul, on comprend mieux ce qui a été vécu avant. Ça peut être l'histoire d'un premier amour, comme dans cette chanson de René Liot. Mais ça peut tout aussi bien être la session qui vient de se terminer, qu'on voit avec du recul. Ce recul que nous avons sur les événements, qu'il soit question de millénaires en histoire, de centaines d'années, ou même d'une promesse qui n'a jamais été brisée. Avec du recul, holai, on comprend mieux la valeur des paroles que les gens nous ont données. Avec du recul, c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux la distance qui nous permet de nous rassembler. Avec du recul sur les événements, on comprend mieux la place des autres dans notre vie et surtout celle qui nous reste encore à prendre. Voici donc la chanson « Ho Lai » interprétée par Liu Ruoying, aussi connu sous le nom de René Liu. Voici « Ho Lai ». 在我蓝色百褶裙上，爱你，你轻声说，我低下头，闻见一阵芬芳，那个永恒的夜晚。 仲夏，你吻我的那个夜晚，让我往后的时光，每当有感叹，总想起当天的星光。那时候的爱情，为什么就能那样简单？而又是为什么人年少时，一定要让深爱的人受伤？在这相思的深夜里，你是否一样，也在紧紧追悔感伤？如果当时我们能不那么倔强，现在也不那么遗憾，你都如何回忆我？带着笑或是很沉默，这些年来有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。错过就不 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre récit narratif sur l'histoire de la Chine à dos de tortue. Nous avons débuté la semaine dernière le chapitre qui porte sur la dynastie Song, une dynastie qui a régné entre 960 et 1279. Nous avons parlé de la consolidation de la bureaucratie céleste, en montrant notamment comment une nouvelle élite de lettrés, qu'on appelle la gentry, constitué, entre autres choses, d'exclus du système des examens, contribua à transformer la société en s'imposant comme le vecteur d'une société civile naissante située vaguement entre l'État et le peuple. Comme nous l'avons mentionné, le contingentement grandissant observé au sein de l'appareil d'État pour ce qui est du nombre de diplômés issus du système des examens que nous avons vu à la baisse, fait en sorte que de plus en plus de lettrés éduqués se tournent presque par défaut vers les échelons inférieurs du pouvoir au niveau local, résultant en la création de nombreuses associations qu'on appelle « hui » et de corporations qu'on nomme « hang ». Nous avons mentionné plutôt l'importance des relations et des guangxi, mais il s'agissait de relations qui étaient d'abord personnelles, à l'égard d'un patron ou à l'intérieur de réseaux sociaux ou familiaux. Mais la multiplication des sociétés diverses et des corporations fit en sorte que les paramètres des guangxi s'établirent aussi dorénavant envers les associations et les diverses institutions dans chacune des localités. Nous avons aussi parlé du paradoxe de la dynastie Song entre la vitalité de son développement économique, social et culturel et sa faiblesse militaire le long de la frontière du Nord. On le voit, par exemple, en 1126-1127, alors que face à l'invasion des Jurkens venus du nord de la Chine, les Song abandonnèrent complètement la capitale Kaifeng et le nord du pays, et ils déménagèrent leur capitale plus au sud à Hangzhou. Nous reviendrons sur cet événement de manière plus spécifique au prochain chapitre. Mais disons pour le moment que le déménagement des Song vers le sud eut un impact considérable sur la productivité et sur la mise en valeur d'un nouveau pôle de développement économique. En fait, même avant le déménagement vers Hangzhou, le bassin du Yangtze était déjà en voie de devenir graduellement le centre de gravité de l'Empire et le cœur de l'activité économique, mettant en vedette la riziculture, l'artisanat local ainsi que le commerce international. Pour ce qui est de la riziculture, le développement du bassin du Yangtze était bien amorcé depuis le 8e siècle, alors que plusieurs innovations importantes avaient permis une augmentation considérable de la productivité agricole, incluant des meilleures techniques de repiquage, l'utilisation de nouveaux instruments aratoires et une amélioration des méthodes d'irrigation. Par ailleurs, l'introduction de nouvelles variétés de riz depuis la région du Vietnam plus au sud et l'hybridation graduelle qui en a résulté a favorisé le développement de souches de riz plus performantes, qui permettent notamment d'instaurer un cycle de double récolte annuelle. La région de Suzhou devient avec le temps le grenier de la Chine, comme en fait foi cette locution populaire datant de l'époque des Song disant « Su Chang Shu, Tian Xia Zhu », ce qui signifie « Quand les moissons sont prêtes à Suzhou, c'est tout l'Empire qui mange à satiété ». Évidemment, cette augmentation considérable de la productivité au niveau agricole eut une incidence directe qui contribua à l'accroissement démographique. Par ailleurs, on vit aussi une augmentation des échanges interrégionaux, une plus grande commercialisation des produits agricoles qui stimula l'essor de l'artisanat et le développement de diverses technologies, tout comme le développement du commerce international. La vitalité artisanale qu'on remarque à l'époque des Song entraîne un développement qu'on peut même qualifier de développement industriel. On voit, en effet, d'importantes activités de production dans de nombreux secteurs de l'activité économique, incluant les mines de fer, de cuivre et de plomb, Et le travail de la métallurgie se faisait alors à partir de souffleries, de charbon de bois et de fontes hydrauliques. L'industrie de la céramique et de la porcelaine était florissante, de même que la fabrique du papier, l'imprimerie et l'industrie textile, autant pour les produits de chanvre, la soie et le coton. Le vaste réseau de connexions fluviales qui s'était développé au cœur du pays a permis d'accroître les échanges entre les régions, ce qui renforça l'interconnectivité économique et culturelle, entraînant par le fait même un accroissement des spécialisations régionales. Par exemple, la région du Hebei était reconnue pour sa production de fer. Les environs du lac Taihu étaient fertiles pour le riz, le Fujian, la canne à sucre, le Sichuan et le Zhejiang, le papier. Les villes de Hangzhou et de Chengdu étaient spécialisées dans les livres imprimés. Issus des rangs de la gentry, dont nous avons fait mention, on vit apparaître une quasi-bourgeoisie urbaine qui s'enrichissait de l'augmentation de la demande du commerce intérieur et du commerce international. C'est ainsi que plusieurs ont vu ce qui peut s'apparenter à des germes du capitaliste qui émergeaient dans ces familles qui s'impliquaient dans l'économie, stimulant le domaine de la construction, les arts, l'architecture, les jardins, la céramique, la culture littéraire, etc. Mais laissons de côté pour le moment la société chinoise de l'époque de la dynastie Song. Et il est temps pour nous de se tourner vers la musique. Toutefois, avant d'aller à notre deuxième chanson du jour, on va aller au deuxième poème de la journée, un poème inspiré cette fois par la chanson précédente de René Liu, Ho Lai, qui relatait un grand amour vécu depuis un coup de foudre de jeunesse. Cet amour, il a été maintes fois raconté dans l'histoire de la poésie chinoise, et en particulier dans ce poème de Li Bai, l'un des plus grands poètes de l'histoire, dont le titre du poème en question s'intitule « L'amour éternel ». Comme le poème est plus long que le premier, je vais aller tout de suite à la traduction française du texte. Mais il y a juste une petite précision que je voudrais faire avant, pour bien apprécier la lecture du texte. Le poème commence ainsi. Changxiangsi zai Chang'an, soit mon amour éternel est à Chang'an. Or, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Chang'an, c'est une ville et c'est bien sûr la capitale de la dynastie Tang. Donc, c'est une ville qui est située en Chine, mais seulement pour le poète. Chang'an, c'est un lieu qui abrite quelque chose d'inaccessible pour le poète. Mais c'est un lieu qu'il a connu, de toute vraisemblance, parce qu'il s'est rendu dans cette ville et qu'il y a vécu quelque chose de mémorable. Alors, pour que l'effet du poème soit réussi, en tant que lecteur, il ne faut pas penser à une ville chinoise qui serait ancrée dans la nuit des temps. Il faut penser à une ville qui nous touche, une ville qui est tout proche, une ville dans laquelle on aurait vécu quelque chose de grandiose, quelque chose de sublime. Donc, Chang'an, c'est un lieu de souvenirs mémorables vécu par le poète. Mais ça devient, dans les mots de la poésie, une image poétique qui désigne un état d'esprit, un lieu magnifique, un événement vécu, un amour partagé. Alors, Chang'an pour lui, Chang'an pour Li Bai, ça peut très bien être ailleurs pour quelqu'un d'autre. Alors, pour tenter de mousser un peu l'effet du poème, je vais remplacer le nom de Chang'an par le nom d'une ville que je connais bien. Par exemple, Shawinigan. Et en plus, Chang'an, Shawinigan, ça rime pas pire. Li Bai ne s'en rendra même pas compte. Alors voici L'amour éternel, un poème de Li Pai. Mon amour éternel est à Shawinigan, où, en automne, les sauterelles chantent sur les margelles d'or, où la natte se gèle, imprégnée de gelée blanche, devant une lampe solitaire, peu brillante. Je pense à elle, inconsolable. Les rideaux tirés, je contemple la lune, soupirant en vain. Ma bien-aimée, belle comme une fleur, se trouve au-delà de la nuée. Séparée de moi par le ciel en haut et les ondulations verdoyantes ici-bas, le ciel est en haut, la route étant longue, l'envolée difficile, que même en songe, je ne sais l'atteindre au pied des montagnes. Mon amour éternel brise mon cœur. Voilà donc pour le poème de Li Pai. Et nous allons tout de suite retourner en musique, mais en revenant subito presto au thème de la journée qui est l'esprit de la fête. Et quand on parle de l'esprit de la fête en Chine, l'alcool n'est jamais vraiment bien loin. Un bon repas partagé, bien arrosé, une eau savoureuse qui coule à flot. Pour la deuxième chanson de la journée, je vous offre donc une chanson à boire, comme on en entend souvent dans cette région du monde. Et comme nous approchons de la période des fêtes, c'est tout à fait approprié de swinguer un peu. Et pour les paroles, c'est très simple. Dites-vous que dans la chanson, ils invitent chacune des personnes présentes à la fête, les invitant à prendre un verre ou non, qu'ils aiment ça ou pas. Yeyaha. Voici donc un groupe qu'on pourrait appeler les Montagnards, Shanzhen Yuetui, qui nous offre une chanson à boire, enregistrée live au début de l'année 2009. Voici donc Shanzhen Yuetui avec la chanson Tioga. Et nous, on se retrouve après la pause. 首长们, 同志们, 2009年, 一切从酒开始。 阿表哥, 当酒喝。 阿表妹, 当酒喝。 阿表哥, 你喜欢不喜欢也要喝。 你喜欢吗也要喝。 不喜欢吗也要喝。 管你喜欢不喜欢也要喝。